Danome usi me ba usi me danome usi me ba u danome yo wa danome ama danigbo danome yo wa danome ni mesi ye danome ye ende danome ya ke fue danome Ya konu kime no mo meru. Eh dana meke. Ki pale wa ye ku dana me. Ki fa boko ye ku dana me. Ki pale wa ye ku dana me. Ki fa boko ye ku dana me. Ye ku dana me u. Ye ku dana me u. Eta koko dana me u si me u. Chifa boko ye ho dano me Chifa le wa ye ho dano me Ye ho dano me o Chifa le wa ye ho dano me Beta ko yo wa mi me so Chifa le wa me mi yo ye ho dano me Dano dano me Fa boko ya ho dano me o Ya ma veye ne mo e wo lo Iga veyu we pa wa no ne bia me o Ale wa ye ho dano me o Chifa boko ye ho dano me o si me o E o dano me e o si me o Aba, panela, we o E o dano me o si me o Chifa boko ye ho dano me o si me o dano me o si me o e o dano me chifa boko ye ho dano me o si me o olo dano me ya dano me o si me o chifa boko yi me mi yo ri olo o dano me o si me o chifa boko ye olo me yi yo ho dano me o si me o igeni Chifa boko me mi ke yo ki yo lo dano me o si me o. Dano me upa, eh dano me, yo wa dano me kama dano gbe se, dano me no me ni mesi ye, eh dano me, ya ma si to ku ya, eh dano me ye, igba na kai yon ni mesi, eh dano me, ya ma si to ku ye, eh dano me ye, ene dano me li ma ke na, eh dano me. Chifa le wa boko dano me o eh dano me ye me mi yo no ma dano me o eh dano me ye lo wa dano gbe ti agbo na ri se eh dano me ye iga we ga to ni lu we ka eh dano me ye oge me no mo ati aro o eh dano me ye ige ne dano me la ri na o eh dano me ye iga we ga pe me ni mo me se Iga wegi kene ni mo e wolo. Eh dano me ye. Yo wa dano me kama dano gbe o. Eh dano me ye. Iga wegi debiju ora ye. Eh dano me ye. Kune dano me hila re na. Eh dano me ye. Iga wegi patiki wegbe. Eh dano me. Ene dano me hila re na. Eh dano me ye. Yo wa dano me ni me se tako. Dano me ni me se ye Eh dano me ye Ya ma se to ku li ya Eh dano me ye Yo wa dano me ni me se yo Eh dano me ye Ila me ape me ni mo me we Eh dano me ye Ene dano me li ya mi kwe Eh dano me ye Emi ron na kwe ni mo me yo Eh dano me ye Ikene ikene kuwa dano me Iga wegi ni mo ete gwe Eh dano me ye Yo wa se tenu wa ye me do Eh dano me ye ga wegi tomo si mo tu me. Me mi yo ye ho da no me u. Yo ho wi u kwe la. Tomo si mo tu me ye ho da no me u. Ama da ne kwe no wa da no me. Kwe ta ko te no wa yo kwe. Opu ne kwe ke na se kon no ha na kwe. Mi wegi chi fale wa no geme Iga wegi ene mo ewolu se Mi ma wegi gene ene mo ewolu Iga wegi Francisco wa Tende dano me fila ke na ye Tende ka de gbete me mi ti agbo kwe Tende ka de gbete me lu ya gbo me wo Iga wegi chifo sheku no ge me E dano me ye Inde dano me hila ke na ye E dano me ye Inde ka ati kwe ti me me lu ya ve E dano me ye Pisa koki ho na kwe wa wa li li E dano me ye Uwa ma adwe ne dano me usi E dano me ye Ugabi, ugabi E dano me ye Ugabi yo wata ma danekbe E Gabi uga dano me me mi ya dano e na u E dano me ye Uwe ka ma ma dani kweke E dano me ye O bonu kona hu bonu kona boda pa E dano me ye Arabi ono ngu me a bokwe a gu ya pe me E dano me ye Iya ma mi we to ina igwe E dano me ye Me mi we ge ta ku wale ki me lo E dano me ye Ugabi, ugabi, ugabi, ugabi, ugabi You got it! Ah! Hey, Dana Maye! When I Dana Maye! Bye, Dana Maye! Dano me, me mi ma ve gambiye, me mi ma ve gambiye o si he nao, ya ko ya ya mo o iwe ye nao, I ma ve gambiye o si he nao, ya ko ya ya mo we iwe ye nao, ita ni ko dano me, ko dano me. Thank you. Oui, mais t'as nommé. Yé, t'as nommé. Je vais te nommer pour t'as nommé. Je vais te nommer pour t'as nommé. Y a pas moi y est brûlé, y a y est aussi de haut. Ma ouest y a mais y a y est. Mais mi ga ouest y na ouest moi y est. Tu te nous ouest pour vous dans nos mains ou. Qui dans mes sacs dans nos mains. Les cancers au ouest ouest pour dans nos mains ou. J'ai mis sa ouest pour dans nos mains aussi. Eh, t'as nommé aussi, mais où? T'as nommé, oui. Eh, t'as nommé, mais aussi, mais où? Eh, t'as nommé aussi, mais où? Yo, t'as nommé aussi, mais où? Eh, t'as nommé aussi, mais où? Ama, t'as nommé aussi, mais où? Eh, t'as nommé aussi, mais où? T'as nommé aussi, mais où? T'as nommé aussi, mais où? T'as nommé aussi, mais où? T'as nommé aussi, mais où? T'as nommé aussi, mais où? Non va dans nos mains aussi mais où? Non va dans nos mains. Gavé qui m'ont mais où? Non va dans nos mains. Ka we ya la ji se du mai kanuye Ele ta no me ni bege na o Ni bege mi si su mo pa ye Ni bege a ja o pa ju Ni bege mi si si la ma Ele ta no me ni ma bege na pa o si me o Ni bege ne mo e wo lu se Tu vois chez toi, vous danons, mais où? Vas-y, son bois, vous danons, mais où? Vous me danons, mais où? Si, mais où? Pas. Mais vivez, gâteau, nous moulèrent. Vivez, gâteau, nous moulèrent. Et pas de bien, mais il y a la veille, danons, mais. Il y a eu qui se fait pailler, oh, Everybody! Hey! F-E-E Omo Okumangwe of Wepa Wano Ilomo Nugena Ilomo Nedena Chief Steven Elwatt Yase of Wepa Wano Lomo Nigena Chief Elwat Lomo Nigena Là, il y a des monnaies. chief ahago ezi omo la yeye ne mo ni gena la yeye ne mo ne bodo ona mo ya de ya de ona mo e bodo ya de ona mo e de ya de ona mo e bodo ya de fai so mo ko mo e de fai so mo ko mo e bodo fai so mo ko mo e de fai so mo ko mo e bodo fai so mo ko mo ta ko fai so mo mo we pa wanu fai so mo ko mo mai fai so mo sa wa gbe mo e fai so mo ko mo e de we ni ye ni mo e bodo fai so mo ko mo wa fai so mo ku wa gbe mo fai so mo ko mo e de we ni ye ni mo e wo fai so mo ko mo wa ka wi ye wa ti ye ka wi go ni ya se wa wa mo e de we wa ki ni ye ni mo e wo wa ki ni ye ni mo e de ona mo e de ya de o mo e wo ni ya de ona mo e de ya de o ona mo e wo ni ya de fai so mo ki o mo ru e na lo lo ko mo e de o ki me ko mo e wo lo lo ko mo e de lo lo ko mo e wo lu i lo lo ko mo e de fai so mo ko mo wo e de mo lu e de mo lu ona mo lu e ya de o mo lu e ona mo lu e ona mo lu e ona mo e de ya de ko mo le de ona mo le de ona mo le de ene mo e de ya de ko mo le de ona mo le de ona mo le de ene mo ge ya de ko mo lu e ene mo lu e ene mo lu e ene mo e de ya de ko mo le de ona mo le de ona mo le de ku ma gbe me ko mo e de fai so mo ko mo we oku ma gbe me ko mo e wo lo ku ma gbe me ko sa wa ku mo le de oku ma gbe me ko mo e de lo lo mo e de do si na ba ba o si ona mo e de ri ya de ona mo e wo lo ya de ona mo le de ri ya de ona mo le wo lo ya de ona mo le de ri ya de ona mo le wo ona mo le de ona mo le de ona mo e de ya de ona mo le de ona mo le de ona mo le de Oma mo lo di ya te, fai so mo ki lo mo e te, ki lo lo mo nu e na, nu wa ki me kwi apo lu ki me, ki lo lo ki lo mo e te, nu wa ki me kwi apo na iwe, oge me ko mo e wo lo, ki wa ki me kwi apo na iwe, oge me ki lo mo e ta ko, oge me ki lo mo ape me ki lo mo ani ta ko, uba ba usi, ika be ku wa no nebi ame ko. Me veux que vous ne pas les jamais.

ne me so mi po no kwa ye a no ne me so mi po yo a no ne me so mi po no kwa yo a no ne me so mi po a no ne me so mi po no kwa ye a no ne me so mi po a no ne me so mi po no kwa yo a no ne me so mi po I'm gonna mess with me, boy. No, boy, you. I'm gonna mess with me, boy. I'm gonna mess with me, boy. You might have quit here, or women, or you. You might have quit here, or women, or you. You might have yet picked up women, or you. You might have women, or women, or you. You might have a poor women, or you. Ni me te ye pu wa yo kwe me o O su me ni to ya kwe me o ye Waka do po mo o kwe kwe kwe Waka de kwe mi e kwe di a ya e E mu yu ye kwa kwe me o E mu anu ye kwa kwe me o E mi mi lu na kwe wa o Mwa de mi lu na kwe wa o e Wa di moto wi moto kwa kwe me hoi Wa gyo wa gwe o wa kwa kwe me hoi Wa do kwa gwe kwa kwa kwe me hoi Iye sa kwa ni wa mye me so Wa gyo wa me kwe me hoi Wa di moto wa me kwa kwe me hoi Eme muda wa me kwa kwe me hoi si A myo ne me so mi e kwa hoi Na te mi gbe ti ayo so mi o Na te mi gbe ti ayo so mi o Pa lu me te ko pe me o Ti ka ye ya ho pe me o e sa ko o Na so na yo u ba go Na so na u do na so na u Na so na yo u ba ye na so na u A mi me so mi o I'm your name is Omi Epo. Now for you, I'm your name is Omi Epo. Now for you, now for you, I'm your name is Omi Epo. You make the wind blow, we're meh. I'm your name is Omi Epo. You make the yebu ye, we're meh. I'm your name is Omi Epo. You make the dark ebu, dark ebu. I'm your name is Omi Epo. Now for you, I'm your name is Omi Epo. Make the wind blow, we're meh. I'm your name is Omi Epo.